d'un homme en cavale, échappé à la haine, secoué par les drames. Sa raison, il l'avait en l'amour trouvé. Au printemps prochain, il devait se marier. Petite histoire noyée dans les larmes, la fuite d'un homme que son passé accable. Destin vengeur, départ au matin. Sa belle seule lui tendait la main. Ma dulcinée, restez par ici, serait pour nous deux un malheur promis. La mort me guette, mais je n'ai pas peur. Votre amour perdu, seule est ma douleur. Ma dulcinée, m'avez-vous compris? Je ne puis alors rester par ici. La promettre au malheur, dès fond de ses peurs, la mort le guette, mais sans douleur. Brive d'histoire d'un homme qui s'attarde sous le balcon fleur. Sa belle qu'il regarde, le ciel s'offre à eux. La lune leur sourit, il oublie alors qu'il était suivi. Douce pétale sur les lèvres du brave que sa belle a jeté. Du haut de la rambarde, la foule se jette. Il sera exilé, il promit alors qu'il reviendrait. Ma dulcinée, mon cœur m'a trahi, il n'a su se résoudre. Au vôtre le fuir, la mort est prête. Mais je n'ai pas peur, votre amour perdu reste ma douleur. Ma dulcinée, vous m'avez compris, je ne puis sans vous prétendre à survivre. La retrouver était une erreur, il songe alors l'enlever de bonheur. D'un homme dans une cale ruminant sa haine. Une fleur sèche ses larmes, le bateau qui l'emmène. Il se débat sans fin, songeant à sa belle, prisonnière d'autres mains. Lutte de fer contre lutte de sang, une nuit par le clair de l'acier sans défend, libéré des entrailles. Il sut se sauver la côte au lendemain, il aura regagné. Ma dulcinée, je vous l'avais promis, de votre corps de main j'en serais épris. La mer est forte, mais je n'ai pas peur. La lune me guide et je suis sa lueur. Ma dulcinée, au bout de la nuit nous pourrons alors sceller nos deux vies. La lune me guide, mais il n'a pas peur. Il sait qu'en dessous attend son cœur. Un corps sur le sable, balayé par les flots, remué par les vagues, la mer triomphe. Son amour a sombré, il a su dans sa main, on l'a fleur gardée. Mon bien-aimé, j'ai entendu vos cris, mais le jour se levait sur votre corps sans vie. La suite sans vous ne serait que la peur, unissant votre réponse dans le cœur. Mon bien-aimé, vous m'avez compris, accrochez cette main qui vous était promise. Elle plonge à la mer et dans sa fureur libre l'amour.